Salut à toutes et à tous et bienvenue dans En Piste les Artistes, votre émission culturelle de Radio Montmirail. Bienvenue dans la 12e d'En Piste les Artistes. Tout d'abord, je me dois de vous présenter quelques excuses puisque je n'ai pas été en mesure de produire une émission la semaine dernière, étant donné que c'était les vacances et que j'ai été un tout petit peu fainéant, je dois vous l'avouer. Cette semaine, une émission spéciale, puisque nous n'allons pas rencontrer d'acteurs, de comédiens, d'humoristes ou de magiciens, nous allons aller à la rencontre d'une maison d'édition bordelaise. Durant les vacances, je me suis rendu à l'Escale du Livre à Bordeaux, qui est une espèce de salon du livre, et j'ai rencontré Bérangère Pont, qui est la responsable des éditions Lire des Marges. Bérangère Pont, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des éditions Lire des Marges. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter cette maison d'édition ? Alors, Lire des Marges, c'est une maison d'édition de littérature contemporaine qui a vu le jour en 2013. Enfin, les premiers titres sont sortis en février 2013. Aujourd'hui, nous comptons autour de 25 titres au catalogue. Et nous publions principalement du roman, de la nouvelle, du récit, il y a un petit peu de poésie, un petit peu de théâtre aussi, mais essentiellement, voilà, roman, nouvelle et récit. Il n'y a pas de ligne éditoriale très arrêtée, parce que je crois que ça correspond aussi, comme souvent d'ailleurs, quand une maison d'édition démarre, aux envies qu'on peut avoir et qui, en ce qui me concerne, sont assez éclectiques en termes de style, de forme, etc. Donc voilà, c'est ouvert à tout type de texte. Vous me dites donc qu'il n'y a pas de ligne éditoriale et en même temps, il y a une espèce de fil rouge dans ces éditions Lire des Marges. Oui, alors là, c'est l'aspect, c'est l'esthétique des livres, effectivement. On a une charte graphique évidemment précise et puis... nous avons eu envie de travailler sur l'objet en tant que tel, sur le livre et sur effectivement la manière dont il se donnait à voir. Donc nous avons une collection classique donc qui accueille les textes les plus longs, on va dire, donc les romans essentiellement. Et là, ce sont effectivement des livres qui sont, ce sont des cahiers cousus et cousus par un fil rouge. On reconnaît notre maison d'édition à ça, notamment. C'est important parce que c'est des livres qui sont très solides. Ils n'ont pas de couverture, par contre, cartonnée, mais ils sont protégés par un étui. Et effectivement, ils sont très solides dans le sens où ils ne peuvent pas perdre de page. Voilà. Contrairement à d'autres formes de livres qui sont plus fragiles et voilà, qu'on appelle les carrés collés. Et puis, il y a aussi d'autres collections qui sont là totalement réalisées de manière, on va dire, artisanale, c'est-à-dire fabriquées à la demande et fabriquées à la main. Donc, c'est en général composé d'un cahier ou de plusieurs cahiers qui sont cousus, à la main et assemblé à la main. Voilà. Et donc le façonnage, tout se fait dans l'atelier de la maison d'édition. Justement, j'allais parler un petit peu de cette collection-là, la collection Cousumain, c'est ça ? Alors non, il y a eu la collection Cousumain. Là, c'était des textes assez longs, avec plusieurs cahiers assemblés. Maintenant, il y a deux nouvelles collections, qui sont la collection Vie minuscule et la collection Comment la parole. Comment la parole, ça accueille un projet particulier d'écriture avec différents auteurs qui viennent petit à petit constituer une sorte de, voilà, de recueil de textes comment un auteur peut réagir par rapport à ce que le lecteur imagine de lui, etc. C'est vraiment autour du rapport entre lecteur et auteur. Et puis la collection Vie minuscule qui accueille des textes assez courts, nouvelles, récits, peu importe finalement le style, la forme, et qui constitue finalement, ça peut être un banc d'essai pour des auteurs qui s'essaient à la fiction, etc., ou des gens qui n'ont pas encore publié. Et puis, c'est effectivement une référence au merveilleux livre de grand classique de Pierre Michon, Les Vies minuscules, bien sûr, et qui est un voilà, qui est un hommage aux petits destins, aux petites histoires qui sont souvent des aussi des grands destins malgré leur modestie. Alors une question que je vais également poser à Brigitte Comard, Derek Moon et Jean-Christophe Cabu. Des auteurs de Lire des marges. Les trois auteurs de Lire des marges que vous découvrirez dans les interviews juste après. Je souhaite leur demander à eux, même si vous êtes éditrice, pas auteur, ce qui change un petit peu la donne. Ah, ça change totalement la donne, c'est effectivement pas... Mais c'est quand même un métier, on va dire, de l'ombre. Si j'ose dire, puisque c'est un éditrice. Métier éditrice, c'est un métier de l'ombre. Oui. Qu'est-ce que ça fait justement de rencontrer les gens, les futurs lecteurs ou des lecteurs qui ont déjà lu les publications de Lire des marges dans des cadres comme l'Escale du livre ? Ben, c'est très intéressant parce que ça permet de, effectivement, enfin, le métier d'éditeur, le rôle de l'éditeur principalement, c'est de porter les textes qu'il publie. Et évidemment que dans un salon, et notamment un salon comme l'Escale, puisque nous sommes une maison d'édition située à Bordeaux, donc l'Escale du livre, d'une certaine manière, on est chez nous. Enfin, donc c'est très important parce que c'est une occasion importante, magnifique, plaisante, joyeuse, d'entamer le dialogue avec les lecteurs et de leur parler évidemment de la maison d'édition et des textes, et donc d'avoir ce rôle de passeur qui est aussi celui du libraire, mais en tout cas qui peut être aussi celui de l'éditeur, c'est-à-dire de porter le texte, de le donner à voir, de donner envie de le découvrir au lecteur. Voilà. Alors je fais un petit lien avec une émission passée. Nous avions fait une émission où nous parlions du livre numérique. Alors là, c'est vrai que vous nous parlez beaucoup du livre en tant qu'objet. Oui, du livre papier. Du livre papier. Quelle est votre vision à vous en tant qu'éditrice du livre numérique ? Alors moi, je n'ai aucune restriction par rapport au livre numérique. C'est vrai que je suis attachée au livre papier, à l'objet. Parce que je trouve que c'est un très bel objet dont le contenu est immatériel, mais justement, il est important de s'attacher à l'apparence matérielle du coup de ce contenu immatériel. Cela dit, je n'ai aucune restriction. Je crois que ce qui compte, c'est de lire et c'est de transmettre les textes, bien évidemment. Qu'on ait envie de lire sur une tablette, sur un ordinateur ou avec un livre papier, pourquoi pas. Alors nous, pour l'instant, nous ne sommes pas encore passés au livre numérique, mais ça fait partie d'une réflexion, enfin qu'on mène. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une réflexion, elle est menée. Après, c'est une affaire de moyens, de temps, puisque je travaille quand même essentiellement seule, donc voilà. Mais ça fait partie des projets de passer au livre numérique. Alors, en sachant que d'abord le livre papier et après on passera au livre numérique, mais je n'ai pas du tout l'intention de publier uniquement sur le mode numérique. Voilà, je souhaite qu'il y ait aussi et avant tout un livre papier. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Après cette rencontre avec Bérangère Pont, la directrice des éditions Lire des marges, j'ai voulu en savoir plus sur les auteurs qui sont publiés dans cette maison d'édition. Et je vais commencer par Derek Munn, qui a écrit le livre Vanité aux fruits, qui est un roman et qui est sorti en mars dernier. Derek Munn, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Vanité aux fruits, qui est donc publié aux éditions Lire des marges et qui est sorti en mars dernier, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter ce livre ? Ah, présenter ce livre, c'est difficile de le présenter sans le raconter. C'est un livre qui est un peu l'équivalent littéraire d'un tableau de Archimboldo. C'est quelqu'un, pendant une nuit, à un certain moment de sa vie, qui se dessine, qui se raconte, qui revisite sa vie à travers les fruits. La première partie du livre, qui est la plus grande partie et la plus importante, et divisé en sections, donc chaque section représente une fruit. Donc, à travers les fruits, les sensations, les souvenirs, il va construire une sorte d'autoportrait. Pour vous, être auteur, est-ce que c'est un métier, une passion, un passe-temps ou autre ? Quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à écrire, je disais toujours que je voulais écrire parce que je ne voulais pas travailler. j'ai jamais conçu l'idée d'avoir une carrière, de faire quelque chose qu'on fait pendant tant d'années et après on s'arrête parce que ce sont importants, mais on a le droit parce qu'on est arrivé à la retraite. Moi, l'écriture pour moi, ça fait partie de la vie. C'est une façon de réfléchir sur la vie. En même temps, c'est un travail. Et c'est probablement parce que je travaille pas assez que j'ai pas été publié plus jeune. Quelle est la première étape de travail de l'auteur? Ah, si je savais, ce serait peut-être plus facile pour démarrer chaque livre. Là, ce livre, ça vient de plusieurs choses, plusieurs éléments, des phrases, juste une phrase qui tourne dans la tête, qui persiste, des images. Là, comme ça parle beaucoup de peinture, les natures mortes, il y a des pommes, des images de pommes. Cézanne, bien sûr, donc, et là, le valeur qu'on attache à l'art dans notre société, ça m'intéresse toujours qu'on peut attacher des prix extraordinaires à le travail d'un artiste, alors qu'un artiste est souvent quelqu'un un peu méprisé ou pauvre, c'est assez ambigu. Donc j'avais l'idée de ces pommes, de pouvoir même manger une pomme, de croquer la pomme comme ça. Après, bon, il y a plein d'éléments, mais souvent ça commence par une phrase, une image. Et je planifie pas tellement, ça se construit au fur et à mesure. Alors au début, vous nous parliez de tableau. Comment est-ce que l'on peut faire pour retranscrire justement un tableau qui est une image particulière dans un texte littéraire ? Moi, je sais pas si on peut vraiment, mais on peut. Là, j'ai parti de base d'un tableau d'Archimboldo qui faisait des portraits qui sont assez précis, assez fins et en même temps assez grossiers. On reconnaît en voyant l'artifice. Avec le livre, là, j'ai choisi des épisodes de vie autour des fruits. Donc, c'est quelqu'un qui construit à travers ces images, mais on est toujours des composites, on est une puzzle dans la vie. Et on se construit tout le temps, on se reconstruit. Alors quelque chose auquel je pense, puisque aujourd'hui nous sommes dans le cadre de l'escale du livre à Bordeaux, qu'est-ce que ça fait pour un auteur qui travaille souvent de manière assez solitaire de rencontrer les futurs lecteurs, de pouvoir leur parler éventuellement du livre ? C'est intéressant, je déteste pas les salons, c'est fatigant des fois, c'est frustrant. Des fois, on rencontre quelqu'un qui a aimé le livre, quelqu'un a déjà lu, ça c'est toujours un plaisir. Et après, c'est intéressant comme exercice d'essayer d'expliquer, là comme maintenant, parce que moi j'aime pas tellement parler c'est pas facile de parler de ce qu'on fait, ou moi pour mes livres, si je pouvais en parler facilement, j'aurais pas eu pris la peine d'écrire le livre. Donc c'est toujours intéressant comme exercice de voir comment on se présente à un lecteur qui se présente. Mais c'est une drôle d'ambiance, les salons aussi, parce que aussi, quand on arrive dans un salon, on voit des auteurs derrière une table, c'est assez intimidant. Moi, de l'autre côté, j'aime pas tellement approcher aussi, parce que c'est on a envie aussi de être laissé tranquille pour voir le livre. Donc, mais j'aime bien avoir ce contact, mais c'est bien d'avoir un contact après la lecture, qu'on a toujours beaucoup moins. Peut-être maintenant avec Facebook, des médias comme ça, il y a plus de possibilités d'avoir un retour de lecture. Alors je vais vous poser une toute dernière question. Dans l'émission, nous avons pour habitude de demander à l'invité de choisir une chanson qui va clôturer l'émission ou l'interview. Quelle chanson choisissez-vous ? Ah bon, comme ça, comme je n'avais pas préparé avant, il y a deux chansons dans le livre. Bon, je vais choisir I'll Be Your Mirror, de Velvet Underground. Donc la chanson est dans le livre et surtout la pochette du disque est une banane de Warhol. Donc la banane étant un des fruits du livre, le fait aussi qu'il y a Albion Mirror, il y a aussi une question de double, de doppelganger, c'est une autre chanson dans le livre, donc ça correspond très bien. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Afin de vous donner un aperçu du roman Vanité aux fruits de Derek Munn, je vais vous lire le tout début de ce roman publié aux éditions Lire des marges et qui est sorti en mars dernier. Je rentre pour la dernière fois. Je suis au temps des dernières fois. Je bouillonne de l'excitation infantile des veilles de vacances, cette anticipation qui contient déjà tous les souvenirs. Je suis comme une toile apprêtée. J'allais faire quelque chose. J'ai oublié quoi. Autant commencer là, tout de suite. Debout, dans la pièce en bas. Des raisins, donc. J'avais fait une liste, mais... L'intérieur commence à s'assombrir. Dehors, il y a une lumière apaisée, poussiéreuse, de fin de journée. Je me rapproche de la fenêtre, hume vers le haut comme une plante cherchant le soleil. Puis je me mets à côté. Je ne veux pas que mon corps empêche d'entrer des lueurs qui radoucissent la transition vers l'obscurité. Les grappes de raisins sont sur la table, posées dans la grande assiette blanche. L'assiette est ébréchée. Elle l'était déjà quand je l'ai achetée dans un vide-grenier peu après mon arrivée. Elle ne valait rien. Je l'ai aimée tout de suite. Sa blancheur soutient le rayonnement délicat des fruits derrière le voile de la pruine. J'observe les grappes, avec précision, attentif à la possibilité d'un mouvement. Sous la concentration de mes yeux, les fruits semblent respirer. Les uns sur les autres, ils se touchent sans insistance, sans poids. Un contact respectueux. Je les écoute. Le crépuscule cède à la nuit. Je place la main gauche devant mon visage. J'encadre les raisins dans le vide formé par l'index et le pouce. Je ne bouge pas. Pendant plusieurs minutes. La lumière n'est plus de la lumière. Je tiens toujours les raisins dans les yeux. L'air, le silence font bloc, crépitent comme une banquise chaude. L'atmosphère est granuleuse. Dans la rue, des bruits s'infiltrent en éclats. Taches rouges, jaunes pour la plupart, parfois vertes. Pour mieux les saisir, je ferme les yeux. Rouge, jaune, rouge, ponctué de noir. Des voies, des véhicules, le jaune vire au gris. La lumière se fossilise. Les sons, les silences vont, viennent, se tressent, ondulent. Je m'appuie contre le mur. Je voudrais me fossiliser aussi, me solidariser avec ce moment, ces sensations. Les raisins se distinguent de moins en moins, mais leur poids pèse toujours dans mes yeux. Je les ai achetés hier. Je suis allé à la mer. Plus que toute autre chose, je voulais faire une dernière visite à la mer. Comme regret, comme conversation. La mer oracle, la mer silence. La mer sommeil. Nous allons maintenant écouter la chanson choisie par Derek Munn afin de clôturer son interview. Et nous allons ensuite rencontrer Brigitte Comar, qui est auteure de 3 livres publiés aux éditions Lire des marges. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. doesn't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind that inside you twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I'll be your mirror, I'll be your mirror. Brigitte Comard, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de 3 textes qui ont été publiés aux éditions Lire des Marges. Le premier, ça a été Hydroponica. Le second, Collapse. Et le dernier, la nouvelle, Le Cocktail. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter ces 3 livres? Alors, le premier, Hydroponica, est une recherche autour de la question de la pauvreté, de la solidarité, de la reprise en main de son destin. Voilà. Le deuxième, Collapse, c'est l'autre versant de la question de la civilisation, c'est-à-dire la quête de l'argent, la perte de soi dans la quête de l'argent et peut-être une rédemption au travers de l'art et de l'autre. Voilà. Et le cocktail est un petit croquis de mœurs, on dirait, voilà. dont je ne dévoile pas le sujet parce que par définition, c'est très court, la nouvelle, et ça, voilà, il vaut mieux la lire. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes une artiste engagée? Oui, ça, on peut dire ça de moi, oui. Oui, on peut dire ça. Oui, c'est-à-dire que, alors, je le dis en riant parce que c'est vrai que pour les gens qui me connaissent, c'est une évidence, mais c'est vrai que ça a été c'est un chemin de création depuis très très longtemps, peut-être même depuis l'origine de mon engagement en art, en création. Et je n'ai jamais dissocié mon engagement du geste de création. Voilà. Je fais partie des artistes qui éprouvent plus qu'ils ne pensent. Enfin, j'éprouve plus que je ne pense dans un premier temps la nécessité de passer mon processus de création au filtre de la vie, de la réalité sociale et aussi des conséquences possibles de l'acte de création. Pour moi, l'émotion artistique, qui est extrêmement précoce, l'émotion de l'enfance, c'est-à-dire ce qui vous émeut, ce qui vous porte, ce qui vous aide à supporter le monde, à vous transcender, l'émotion artistique a été immédiatement liée au sentiment très très très vif, voire violent certaines fois, de l'injustice. Et donc, comment ça se produit? Quand on est jeune, quand on est petit. Moi, j'ai commencé effectivement à gribouiller très très tôt, très jeune, très petite. J'ai commencé à chanter extrêmement tôt aussi. Eh bien, ce que j'avais envie d'exprimer, c'était mon incompréhension, ma révolte face à l'injustice. Alors, et effectivement, qui traversait quoi? Qui traversait l'impérieuse nécessité de dire aussi la beauté du monde et la beauté possible du monde si on arrivait à combattre l'injustice. Alors, une question que j'ai déjà posée tout à l'heure à Derek Mann. Qu'est-ce que ça fait pour un auteur, en sachant que c'est un travail quand même très très solitaire au final, de rencontrer les gens qui ont lu le livre ou qui vont lire le livre, en sachant que tu es quand même déjà un petit peu habitué, on va dire, à voir les gens en direct à travers ton parcours de chanteuse. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui, voilà, de rencontrer ces futurs lecteurs ou ces lecteurs qui ont déjà lu le livre? Ça, c'est une jouissance absolue, et précisément parce que j'ai été sur scène pendant des années, voire des décennies, c'est que la rencontre avec l'auditeur sur scène, c'est toujours un moment de vertige extraordinaire, parce qu'à la fois il y a cette joie intense, cette jouissance intense de la rencontre, de l'expression, et en même temps une terreur absolue quand même, parce que c'est quand même très très très flippant de se présenter sur scène, c'est-à-dire que à chaque spectacle, on est à nouveau sur le fil, et à nouveau on peut tomber. Et alors là où ça devient vraiment, mais presque d'un confort indécent, quoi, scandaleux, insolent, c'est que le livre, il est écrit. Et quand vous rencontrez les lecteurs, alors il y a deux choses, puis surtout pour quelqu'un, il faut rester humble, surtout pour quelqu'un comme moi, qui se balade pas sur les plateaux télé, qui va donc pas se faire allumer par des chroniqueurs qui sont là pour créer le buzz, etc. Moi, en règle générale, quand je rencontre les gens, c'est qu'ils sont contents de me rencontrer, c'est qu'ils ont envie de me rencontrer. Donc, mais absolument que du bonheur. Et effectivement, les lecteurs qui n'ont pas aimé mon livre, précisément, on reste humble, ils n'ont absolument rien à me dire, donc ils ne me rencontrent pas. Et donc, je ne rencontre que les gens qui ont envie de me dire qu'ils ont aimé ça. Moi, je dis, là, Noël. Là, c'est Noël. Voilà. Donc, c'est effectivement une période de ma carrière d'artiste, mais qui est d'un délice absolu, voilà. Alors effectivement, ça n'empêche pas les affres de la création, cette intense, cette forme d'ascèse que constitue le processus de création, mais qui, je l'éprouve avec énormément de surprise et de joie. Finalement, se solde toujours par des rencontres merveilleuses, quoi. Voilà. Une toute dernière question, nous avons pour tradition dans l'émission de demander à nos invités de choisir une chanson qui clôture l'interview ou l'émission. Une chanson qui te passe par la tête, une chanson qui te plaît, ce que tu veux vraiment. Bah, ça va être Ma plus belle histoire d'amour de Barbara. Merci beaucoup Brigitte. Merci Emmanuel. Pour en savoir plus sur le livre de Brigitte Comard, je vais vous lire un petit extrait. Un tout petit extrait donc de Collapse, le dernier roman de Brigitte Comard publié aux éditions Lire des Marges il y a à peu près un an. Et je vais prendre le tout début de Collapse. Ce n'est pas une voix qu'elle a, cette femme. C'est une vitre brisée. On passe au travers en se blessant. Je ne parviens pas à me souvenir si cette voix me faisait cet effet avant. Quand je la connaissais, sans avoir avec elle ce que le code du travail qualifie de « lien de subordination ». Avant, il y a un siècle, il y a 6 mois. Je suis devenu un petit noyau dur au centre de moi-même, comme toujours quand la charge est trop rude. J'ai appris très tôt à faire le petit noyau dur. Pour moins souffrir, il faut être lisse quand on est un enfant. Je me suis souvent demandé si tous les enfants souffraient autant. C'est une question d'autant plus cruelle qu'elle n'est pas communicable. En tout cas, pour moi, elle ne l'était pas. Et comme je n'ai pas d'enfant, je n'en sais pas plus aujourd'hui. Ce serait ridicule d'expliquer à quiconque que mon enfance a été un puits de souffrance sans fond. Qui pourrait croire ça ? Je n'aimais que la beauté, la puissance de la beauté me ravissait. C'était un élan de l'âme, et j'ai traversé une enfance de laideur. Va parler d'élan de l'âme à des petites brutes dressées à la bassesse, à des maîtres asservis à la médiocrité, à des adultes morts. Pour que l'ordre règne, il fallait briser cet élan interne, l'émotion et sa conscience. Je faisais partie de ces maudits qui ne cessent jamais de ressentir et de penser qu'ils ressentent. Pour quelle sorte de paranoïaque passerait un homme se prétendant survivant de la brutalité, de l'abrutissement, de la faiblesse, de l'école ? Je n'étais personne d'autre qu'un enfant de famille modeste, une famille sans histoire. Je n'étais personne et je souffrais. J'ai appris à devenir lisse, parce que je ne pouvais pas m'échapper de leur espoir. J'étais dépositaire de leur espoir que je devienne quelqu'un. Pour racheter leur abrutissement, il fallait que je devienne quelqu'un, et pour ça, ils consentaient à ce que je ne sois personne. Elle m'a parlé comme on crache, avec sa voix hérissée. « Gomez, vous êtes un minable !» Dans sa bouche, mon patronyme devient une insulte. Elle pourrait juste dire « Gomez, vous êtes ». Cela suffirait. Dans sa bouche, mon nom redevient un nom espagnol, un nom de petit-fils d'ouvrier espagnol illettré. Elle postillonne mon nom. Elle postillonne mon nom et à cet instant, je pourrais voir en file indienne la lignée de mes ancêtres, le béret à la main, les yeux baissés.

vous. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelques jours vient de sortir le 4e épisode de Sister. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Sister, de ces 4 livres ? Eh bien, depuis que j'en parle avec ceux qui viennent pour la dédicace du livre, je me suis aperçu, j'avais pas vraiment réalisé que c'est une histoire de liberté. C'est-à-dire, et c'est rigolo parce que tout à l'heure j'ai écrit, c'est le statut de la liberté. Et c'est donc l'histoire d'un garçon qui s'en va, qui prend son van aménagé et qui souffle, qui ferme la porte et qui claque la porte sur sa vie passée et qui part, il ne sait pas pour combien de temps en fait. Et donc il va chercher la liberté, évidemment, il va chercher lui-même aussi, ce qui le fait extrêmement peur. Il se balade de plage en plage dans l'idée de faire le tour de la péninsule ibérique. En fait, il ne fera jamais le tour. Il va s'arrêter sur une plage où il rencontre une jeune femme nue qui vit dans une grotte, été comme hiver, avec sa tribu de 5 chiens. Et c'est la rencontre entre ces deux personnages-là, l'une qui a la liberté et l'autre qui la cherche. Pourquoi avoir choisi finalement de l'écrire comme ça en plusieurs épisodes ? Alors tout d'abord, mon passé et mon écriture, c'est la radio. C'est 30 ans de radio, c'est des billets d'humeur. Et c'est une écriture, ce qu'on appelle, donc à Radio France, on faisait même des stages, pour ça que ça s'appelait les stages voix-écriture. Et ça, je savais faire. Et j'ai arrêté la radio il y a longtemps. Et quand, en fait, je me suis évidemment inspiré de faits réels. Et quand j'ai rencontré ce personnage-là, j'ai écrit au jour le jour, comme un billet d'humeur de radio, mais sur Facebook. Et c'est comme ça d'ailleurs que le texte a été repéré et que les éditions Lire des Marges m'ont dit « Mais nous, on voudrait éditer, il faut arrêter de poster. » Et donc voilà. Alors en fait, c'est par ce savoir de l'écriture au quotidien que j'ai reproduit 7 ans après avoir arrêté la radio. Mais comme c'était de la radio, mais avec Facebook, mais au lieu que ce soit par ma voix la lecture d'une écriture, c'est ma façon de parler est devenue cette fois-ci une écriture, donc c'est plutôt une écriture voix, et ça donne un style, semble-t-il, très très particulier, quoi. Comment justement ça s'est passé, ton travail d'écriture ? Alors d'après ce que tu nous as dit, on comprend que c'est inspiré de faits réels, d'une rencontre réelle. Comment est-ce que l'on écrit justement ça ? Comment est-ce que l'on décide de parler d'une rencontre comme ça, en plusieurs épisodes comme ça ? Ben, c'était donc Facebook, un billet par jour. Comme une émission par jour, un billet d'humeur par jour en début d'émission, ça revient un petit peu à ça. Et puis là, bon, bah évidemment, j'aime beaucoup ça parce que je suis un peu canaille comme garçon. Je sais, Twitter, je n'ai pas Twitter, mais Twitter, c'est combien de signes ? 148 ou un truc comme ça ? Enfin bon, une centaine, voilà. Et sur Facebook, l'habitude, c'est quoi ? C'est 200 signes ou un truc comme ça. Et moi, je m'étais dit, bon, allez, tu ne dépasses pas les 5000 signes. Et j'aime beaucoup, justement, à travers ces médias Facebook, où c'est quand même souvent de l'emporte-pièce ou des photos de chats, ou alors des phrases où les gens réagissent à des trucs, mais ils ne nous disent pas quoi, donc on ne sait pas de quoi ça parle. Et de fait, je me suis dit, moi, je trouve que c'est un support, c'est un support de communication, c'est un média, même comme la radio. Et donc, j'ai fait mon billet d'humeur à chaque jour pour faire partager ce que je vivais et ce qui existait. Et de fait, il y a vraiment eu des fans qui demandaient. En fait, j'en avais fait un une fois, la première fois, et puis plein de gens m'ont dit la suite. Bah, du coup, voilà, c'est devenu une chronique, quoi. Et après cette idée de série. Alors évidemment, moi, je suis complètement sériephile. Enfin, bon, je suis complètement fanat de séries. Je suis même accro, quoi. Tu vois, enfin, il faut que j'aille aux séries Files Anonymes, parce que ça va pas, hein, comme truc, quoi. Et donc j'ai... cette idée de série-là, c'est plein de petits ressorts aussi, où je m'amuse beaucoup, où je vais évoquer, par exemple, une chose. C'est très elliptique, finalement. C'est bien dans l'autre épisode qu'on aura la réponse. Et c'est une espèce, comme ça, de contre-pied permanent. C'est assez chaloupé. Voilà, donc parfois, je me perds un peu. Ah, ça y est, j'ai compris. Enfin, voilà. Non, parce que c'est mon premier bouquin. Moi, j'avais jamais... Et puis, je l'ai écrit de cette façon-là. Et puis, après tout, ça me plaît bien d'écrire comme ça. J'ai pas d'école, moi. Donc, c'est la mienne. Et justement, comment c'est vécu de passer de ce support qui est Facebook à un support papier qui est le livre ? Ah, mais moi, on m'a dit, on va éditer. Je dis, mais je sais pas écrire un livre. Et là, on m'a dit, mais couillon, tu viens de l'écrire. Quoi. Ah non. Donc, en fait, ce que je suis en train de réaliser, c'est qu'effectivement, pour des gens qui peuvent avoir pas vraiment confiance en eux, on est très nombreux hein, quand même comme ça. Et puis se dire, oui, écrire un livre, tout le monde a envie d'écrire un livre un jour, et puis, puis on n'y arrivera jamais. Et en fait, bon, c'est ce besoin, ces velléités d'écriture, moi je les ai depuis que je suis tout petit, j'avais des notes épouvantables, hein, j'avais genre 5 de moyenne générale, hormis le français où j'avais 18. Quoi. Donc c'était quelque chose d'assez naturel que d'écrire et tout ça. Ma première dictée, c'était un zéro, parce qu'on m'avait dit, c'est pas aux parents d'écrire la dictée. Et j'ai dit, madame, c'est moi, quoi. Donc j'avais, naturellement, bon, mais voilà, il y en a qui savent, je sais pas moi, sauter à la perche, d'autres qui regardent un code JavaScript ou je sais pas quoi, qui voient tout de suite. Et bon, moi, c'était les mots et ça marchait bien, quoi, voilà. Et que j'ai bien utilisé, bien sûr, en voix écriture aussi à la radio. Mais ça fait très bizarre de se dire, oui, c'est un livre, de regarder l'objet comme ça. Et oui, en fait, c'est possible, mais c'est vraiment une grande chance, c'est un très joli cadeau, que même si c'est moi qui l'ai écrit, que ça leur a plu, qu'ils ont dit on a envie de l'éditer, mais c'est quand même un joli cadeau que m'a fait lire des marges en disant, bon, papa, on arrête, et là, on veut vraiment le mettre comme ça. Et pour eux, c'est renouer aussi avec une tradition qu'il y avait autrefois sur le feuilleton, l'écrit en feuilleton. Quoi, voilà. Et donc, bah, tout ça a convergé, et puis voilà, on en est là. Mais après, donc il va falloir écrire, mais tel que là, tu le dis. Et là, c'est pas gagné. Alors, deux dernières questions. Une autre que j'ai posée également à Brigitte Comard et Derek Munn. Qu'est-ce que ça fait pour un auteur qui écrit de manière finalement assez solitaire de rencontrer les gens qui vont lire ou ont déjà lu le livre ? Alors moi, je suis un peu penaud. Hein. Je suis un peu penaud. Je demande des avis. Bon, les critiques qui critiquent, soient positifs, négatifs, si je peux en tirer quelque chose, voilà. Bon, le fait d'avoir travaillé en radio, de s'être exposé longtemps, du coup, mon ego, j'ai un peu réglé le problème avec lui. Bon, quelqu'un qui veut me faire mal, ok, d'accord, mais bon, ça glisse. Mais des avis, ouais. Et moi, enfin, oui, le fait d'avoir écrit comme ça au quotidien des billets d'humeur, c'est un cadeau et un échange que l'on se fait entre l'auditeur et le rédacteur, l'animateur de radio. Et là, pour moi, c'est vraiment la même chose. À part que la radio, c'est instantané, c'est tout de suite. Et on a les réactions de suite et au quotidien. Ah, le livre, c'est pas ça, quoi. C'est-à-dire qu'au contraire, moi, j'ai plein de gens qui ont lu plus ou moins de mon entourage, enfin, en tout cas, dont la vie m'intéresserait énormément, avis que je n'ai pas. Ah, m'agace. J'aimerais. Et parce que je suis effectivement pas dans la radio, quoi. Donc tout est beaucoup plus lent, c'est... Voilà, peut-être qu'un jour j'aurai leur avis, mais c'est même pas sûr. Ça m'énerve. La toute dernière question, c'est la petite tradition de l'émission. On demande à notre invité de choisir une chanson qui vient clôturer soit l'émission, soit l'interview. Quelle chanson choisis-tu ? Ça peut être soit une chanson que tu aimes beaucoup, soit la première chanson qui te passe par la tête. C'est pas gentil, j'aurais préféré réfléchir avant hein, quand même. Hein. Alors, oui, il y a une chanson, mais ça va être compliqué pour toi de la trouver. Parce que je ne crois pas qu'il y ait d'enregistrement. C'est Véronique Sanson. La chanson, c'est « Toi et moi ». Et ça raconte donc... alors, elle est comme moi. Elle raconte son histoire, Véronique Sanson. Et avec une sensibilité effectivement exacerbée. Il y a des moments où il faut nous dire « gentil le chien ». Parce que voilà. Et elle est à New York. Et elle pense énormément à son amoureux, qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Et dire que c'est la même lune qui brille pour toi et pour moi, quel que soit où que l'on soit, et même très très loin, on est en fait pas si loin que ça. Elle le dit d'une façon absolument merveilleuse et elle le chante de façon exceptionnelle. J'adore cette chanson-là. Et évidemment, je pense à quelqu'un, mais ça, je ne le dirai pas. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Salut. Nous allons maintenant donc lire un extrait de Sister. Un extrait du premier livre, le Road Trip saison 1, épisode 1 à 4. Et pour une fois, j'ai décidé de ne pas choisir le début. Je vais prendre à peu près dans le milieu de l'épisode 2, qui parle donc de la rencontre avec Sister. Le lendemain matin, comme un chat joyeux, sans un bruit, une femme apparut totalement nue par la porte latérale ouverte sur la mer. Bonjour. Je ne voudrais pas vous embêter. De chambre, en un clic-clac, de la banquette arrière, le tourbu devenait un bureau. Sur la tablette relevée, Mathieu venait de poser une tasse encore vide. La cafetière italienne commençait à s'affoler sur le gaz. Au sol, dans son espace restreint bien agencé, sa minuscule poubelle restait à portée de main. Un bocal de pâté espagnol, une souffrance à peine entamée, le marc de café de la veille, quelques sopalins en boule, des écorces d'orange, l'emballage plastique d'un chorizo trop gras, le tout saupoudré de cendres et de mégots froids que Sister repéra immédiatement. « Wow, ça fume ici, c'est cool. Bonjour, sans vous embêter, vous n'auriez pas une cigarette ?»« Salut. Si, si. Si vous êtes en panne, je peux vous donner un paquet. » D'un mouvement de tête, ses dreads changèrent de camp. Avec un sourire de délivrance, elle continua en français. « Non, surtout pas. Je ne fume pas de tabac. C'est juste pour rouler 3 ou 4 joints. » Autour de la table de fortune en bois grisé, Mathieu avait remarqué des coquillages, percés et accrochés à une ficelle qui divaguait sous le vent. Au sol, des pierres placées en rond protégeaient des pieds d'aloe vera, de San Pedro et autres cactus. Cette saveur babacool tranchait avec les parkings en amont où des camping-cars faisaient ventouse. Tables et chaises dépliées, des Simone et des René en série se goinfraient là-bas de côtes de porc grillées sur leur barbecue portatif, pas peu fiers de leur villa à roulettes avec vue sur la mer. « Vous campez ici ?»« Non, Hermano, je t'ai vu hier soir faire demi-tour sur ma plage. » Je vis dans la grotte à côté. Tu as eu peur des chiens? Quand tu as fait demi-tour, je me suis dit, merde, j'ai encore fait peur avec mes chiens. Les chiens ne m'ont pas dérangé. Il y avait juste des campeurs. Quand j'ai vu leur tente, j'ai pensé qu'il y a assez de criques ici pour être tous tranquilles. Non, non, la tente, elle est à moi. Comme je vis dans la grotte, des gays me l'ont laissée quand ils sont repartis. Quand j'ai vu ton camion faire demi-tour, je me suis dit, merde, j'ai encore fait peur avec mes chiens. Tu as eu peur de mes chiens? Non, vraiment, je n'ai pas eu peur des chiens. Ah, salut. Merci pour la clope. En longeant le tourbu, elle laissa glisser sa main sur la peinture, puis, comme un chat, le dos rond, elle changea de cap et partit sans faire de bruit. Nous clôturons donc cette émission avec la chanson choisie par Jean-Christophe Cabu. Pour cette émission, je souhaite bien entendu remercier Bérangère Pont des éditions Lire des Marges, Derek Munn, l'auteur de Vanité aux fruits, Brigitte Comar, l'auteur de Hydroponica, Collapse et Le Cocktail, sans oublier Jean-Christophe Cabu pour Sister, son road trip en plusieurs épisodes et en 4 livres différents. Merci également à toute l'équipe de Radio Montmirail et bien entendu à vous qui écoutez cette émission. Un tout petit peu d'autopromo pour finir. Clément et moi, nous jouons dans un spectacle qui s'appelle L'étrange Noël de Monsieur Scrooge, d'après Charles Dickens. Et nous jouons les jeudis 27 avril et mercredi 3 mai à 18h à la MIE de Toulouse Jean Jaurès de la fac. Je vous dis à très bientôt. Qui prie pour moi, moi je me dis que c'est la même fortune qui rit pour toi, qui rit pour moi. Témoin, mais y a un petit point qui scintille autour de toi, qui vient de moi. Et je jongle avec les étincelles qui sont cachées au fond du ciel. Peut-être on n'aura jamais l'avenir, tant mieux pour toi, mais zut pour moi. T'es peut-être passé à côté du pire, je veux dire du vrai désir et du vrai moi. On peut mourir d'amour, mais mon amour, c'est pire que tout, c'est pire que nous. Comme si l'on veut rater le matin, qu'il n'y ait plus de soleil, qu'il n'y ait plus rien. Quand je pense qu'en une seule seconde, il y a des milliers d'ombres qui rayonnent en toi. Pour moi, tu es la plus belle chose du monde. Je te veux, rien que pour moi. Je me sens comme une hirondelle gelée qui peut plus voler, qui agonise tout bas. qui met sa force dans un dernier baiser, sans trop savoir s'il arrivera. Pantabla, valala. Sur nos baisers, je jure qu'on ira danser sur les menhirs enluneillés dans les tourbillons de la mer déchaînée, l'un contre l'autre dans l'air salé. Sur la mémoire de l'ogélalé, l'odeur de pluie, le fleuve fané, sur la mémoire de jasmin, de liège, sur toi et moi, sur nos baisers, je jure qu'on ira danser sur les menhirs enluneillés dans les tourbillons de la mer déchaînée, l'un contre l'autre dans l'air salé, l'un contre l'autre dans l'air salé.